Voici votre bulletin régional. Vous êtes cordialement invité pour une opération beauté le 30 mai dès 8h30 au village de Sainte-Marguerite-de-Lingwick. Une équipe pour le ménage des plates-bandes, prière d'apporter vos petites bêches, et une équipe pour la peinture des tables de bois, prière d'apporter vos pinceaux à l'eau. On apprécierait si vous pouviez confirmer votre présence auprès de Manon Rousseau au 819-877-3495. Au presbytère de l'église Saint-Paul de Skestown aura lieu une vente débarras le 30 mai de 13 à 17h et le 31 mai de 9 à 17h. Plusieurs meubles et accessoires antiques, au profit de l'église. Le 31 mai de 10 à 20h, au centre communautaire du secteur de Marbleton de Dodswell, se tient le scrutin pour combler un poste de conseiller vacant au conseil municipal. Le 1er juin, à 19h30, se tient l'Assemblée des filles d'Isabelle, cercle Saint-Louis, numéro 662, à la salle Pierre-Labrec, au sous-sol de l'église Saint-Louis de France. Ça s'adresse aux membres. Information 819-832-2656.